Je m'emmerde. Je m'emmerde. Y'a des jours comme ça où ça le fait pas. Oh yeah. Peut arriver n'importe quoi. Chacun, je m'emmerde. Oh, je m'emmerde. Ok, yeah. Ça arrive comme ça. Je m'emmerde.